Écoutez, voici Histoire vivante, il est 13h30. Très bel après-midi à l'écoute de nos programmes. Jean Leclerc et Frédéric Pfeiffer vous proposent Histoire vivante. Green Blood, c'est 4 épisodes qui racontent 3 histoires où 3 journalistes ont été menacés, ont risqué la prison ou ont été assassinés. Cette semaine, le réseau Forbidden Stories. C'est une collaboration internationale avec des journaux en Asie, en Afrique, aux États-Unis ou en Europe. Et je pense que ce type de projet-là peut aussi montrer un peu aux gens pour qui on travaille. Et on travaille pour faire que notre démocratie ne meure pas dans l'opacité et faire en sorte que les citoyens soient informés, surtout sur des histoires qu'on a voulu passer sous silence au départ. Du Guatemala à la Tanzanie. Dans cette série documentaire, on s'est intéressé à 3 journalistes. Donc Carlos Choc au Guatemala, un journaliste maya. Sandhya Ravishankar, une journaliste indienne qui travaille sur les mafias du sable en Inde. Et un journaliste s'appelle Jabir Idrissa, dont le journal a été fermé en Tanzanie. Il y a aussi des moments où on veut des spécialistes de la finance, où on veut des spécialistes du droit, on veut des spécialistes de la mondialisation et des multinationales. Et toutes ces aptitudes-là ne sont pas forcément contenues dans un seul journal ou dans un seul média. Nous, notre rôle à Forbidden Story, c'est de coordonner une enquête qui est mondiale, avec une vingtaine ou trentaine de rédactions, donc d'organisations de presse qui prennent part à ce type de projet-là. Donc notre métier, c'est vraiment de coordonner. Un certain journalisme d'investigation. Nous nous sommes intéressés depuis le début de la semaine à Forbidden Stories, un réseau de journalistes d'investigation créé en 2017 pour poursuivre le travail de reporters menacés, emprisonnés ou assassinés. Créé à l'initiative du journaliste d'investigation Laurent Richard, à notre micro en début de semaine, ce réseau a enquêté dans le domaine des industries minières et propose une enquête globale intitulée Green Blood, à découvrir dimanche soir sur RTS2. Une enquête qui a conduit les journalistes dans 3 pays, Inde, Tanzanie et Guatemala. C'est précisément du Guatemala dont nous allons parler aujourd'hui. Voulez-vous bien vous présenter aux auditeurs de la radio-télévision suisse, s'il vous plaît ? Oui, je m'appelle donc Anne Michel, je suis journaliste au Monde et je mène des investigations internationales, notamment sur l'évasion, la fraude fiscale, mais aussi depuis peu en partenariat avec le réseau Forbidden Stories. Comment êtes-vous arrivé dans ce réseau de journalistes Forbidden Stories ? J'ai pratiqué donc un journalisme d'investigation assez nouveau, puisque c'est ce journalisme que l'on découvre pratiqué en coopération et qui est un journalisme en rupture avec le journalisme d'investigation classique qui se pratique seul en concurrence. La force de ce journalisme, c'est de travailler en association sur des sujets qui sont délicats ou sur lesquels des personnes ou des États entendent maintenir le secret. J'ai d'abord contribuer aux grandes enquêtes sur la fraude et l'évasion fiscale, dont vous avez sûrement entendu parler, par exemple les Panama Papers ou les Paradise Papers. Et je les ai faites avec pour le Monde, avec le consortium ICIG sur ces thématiques-là. Et puis, le réseau Forbidden Stories m'a contacté pour m'associer donc avec eux à des enquêtes internationales qui concernaient des sujets sur lesquels des journalistes avaient été entravés dans leur métier. Et c'est comme ça que j'ai été sollicitée donc pour participer à cette enquête Green Blood. Anne-Michel, il y avait donc 3 pays qui étaient sur la liste. Qu'est-ce qui a prévalu à votre choix du Guatemala ? La langue, peut-être ? Les 3 pays étaient très intéressants, mais le volet guatémaltèque m'a particulièrement intéressée parce qu'il comportait justement des dimensions diverses, hein, une dimension environnementale, car il s'agissait de mesurer de manière scientifique et incontestable la pollution causée par une usine de traitement du nickel, un volet, une dimension aussi économique sur laquelle je pensais avoir un certain savoir-faire, car il s'agissait d'en savoir plus sur les actionnaires de cette compagnie minière, qui est une compagnie opaque, de droit suisse certes, mais dirigée localement par des Russes et dotée d'implantations dans des paradis fiscaux. Et puis, il y avait aussi un volet, une dimension criminelle, puisque Autour de cette mine, il y avait eu des morts inexpliquées ces dernières années, que notre projet donc était de pousser plus loin les enquêtes, d'exposer les faits. Ces trois dimensions qui m'ont intéressée. On peut peut-être, Anne-Michel, commencer par l'arrière-plan politique. Dans l'article que vous signez pour le journal Le Monde en juin 2019, vous écrivez « Le passé jalonné de crimes couverts par les autorités ». Quand on dit « couverts par les autorités », cela suppose aussi bien des autorités locales, régionales, voire nationales. Est-ce que vous pourriez un peu nous dessiner ce paysage-là ? Oui, bien sûr. Alors, le passé à Elestor, puisqu'il s'agit de ce village dans lequel s'est implantée cette mine, le passé est jalonné de crimes qui ont été couverts par les autorités nationales et locales. Si l'on remonte dans un passé assez récent, en 2007, par exemple, du temps où la mine appartenait à un Canadien qui s'appelle Sky Resources, 11 femmes ont été violées dans un village isolé, certaines devant leurs enfants. Elles ont identifié les criminels, des membres de la sécurité privée de la mine, l'armée, la police. Et pour l'instant, même si des poursuites judiciaires sont en cours, la vérité n'a pas été faite. Puis en 2009, une opération de répression militaire s'est aussi abattue sur les communautés mayas, qui avaient fait un mort et des blessés graves. Et derrière cette opération a plané le soupçon d'une entente entre la compagnie qui exploitait la mine, l'armée, et puis des forces anti-insurrection créées par le régime militaire guatémaltèque de 1974 pour contrôler la population. Et pour en venir plus près de notre sujet, en 2012, juste avant l'arrivée de la compagnie minière sur laquelle nous avons enquêté, trois étudiants en biologie guatémaltèques venus de la capitale ont été retrouvés morts dans un canal qui appartient à cette compagnie minière, noyés dans quelques mètres d'eau, très près du rivage. Ils étaient venus recenser la population de crocodiles et on les a retrouvés morts. Alors que qu'ils étaient d'excellents nageurs, ont-ils vu, fait quelque chose d'interdit ? Nous avons essayé sur place d'enquêter et nous avons retrouvé des témoins de l'époque qui nous ont expliqué que les étudiants avaient reçu des coups à la tête. Le procès de cette affaire est en cours, mais les avocats de la compagnie minière sur laquelle nous avons enquêté n'ont cessé de vouloir l'entraver. Anne-Michel, au vu des dates que vous nous indiquez là, c'est un dossier qui est donc déjà implanté dans le temps depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Et pourtant, en tout cas jusqu'à votre arrivée, un silence règne. Comment est-il entretenu ce silence ? Par des menaces, par des pressions de toutes sortes ? Est-ce que vous pourriez nous les décrire ? D'abord, je vous dirai un petit mot de cette arrivée dans la petite ville d'Elestor, qui est une ville située au bord d'un lac qui est un véritable écosystème de près de 600 km², doté d'une faune et d'une flore incroyables et sur lesquels cette mine de nickel s'est donc implantée. Les habitants sont des habitants en majorité maya kekchi, très attachés à leur culture et qui vivent de la pêche et de l'agriculture. Et l'endroit paraît serein, la lumière est fabuleuse, la vie est rythmée par les sorties des pirogues de pêcheurs, les cayucas, mais très vite, on découvre l'ampleur du désastre écologique lié à la mine de nickel qui s'y est installée. À Elestor, la compagnie minière qui exploite cette mine de nickel fait régner une loi du silence. Elle achète les familles d'ouvriers qui ont été victimes d'accidents du travail en promettant de l'argent et des emplois pour les frères, les fils, les filles. Elle censure ou elle harcèle les journalistes et les poursuit en justice. Cette loi du silence, on la ressent partout, tout le temps. Et l'État et les élus locaux n'ont eu de cesse que de cacher la vérité alors que leur fonction première est de protéger les populations. Ils n'ont rien fait pour trouver ou condamner les coupables. Anne-Michel, c'était vous concernant votre première venue au Guatemala. Est-ce que vous avez à cette occasion-là découvert à la fois la situation et le pays ? Oui, c'était ma première venue au Guatemala. Je ne connaissais pas ce pays. Nous avions eu une réunion de préparation à l'enquête, puisque ce genre d'enquête se prépare très très en amont. Et des journalistes guatémaltèques étaient venus nous exposer la censure, les menaces dont ils étaient les victimes. Et c'est comme ça que s'est forgé ce projet de partir au Guatemala et de les aider à faire sortir cette vérité que l'État voudrait garder cadenassée. En effet, depuis 2 ans, indiquez-vous, photos, vidéos, témoignages à la pluie, les journalistes guatémaltèques s'évertuent, au prix de leur sécurité, à documenter les dommages à l'environnement et à la santé causés par CGN Pronico. Alors, vous arrivez au Guatemala. J'imagine que obtenir des autorisations n'a pas forcément été évident, sachant la situation telle que vous nous la décrivez. Est-ce que, contrairement à ce que j'annonce et à ce que j'avance, les autorisations ont été évidentes ou délicates à obtenir? Non, c'était un travail extrêmement délicat, puisqu'il c'est l'enquête, vous l'avez vu, à diverses dimensions, et il faut aller vite sur place. On enquête en terrain hostile, voire dangereux, mais en fait, ce qui était extrêmement précieux, c'est que nous avons pu compter sur l'appui de nos confrères guatémaltèques, avec qui nous faisions le point chaque matin, chaque soir, dans un camp de base très discret que nous avions choisi. Une petite pension au bord du lac Izabal, cachée dans la jungle. Et c'est là qu'avec eux, nous réglions tous les détails. Les rendez-vous devaient se passer la nuit pour plus de discrétion, pour ne pas risquer d'être arrêté par la police ni empêcher dans notre enquête. Le niveau de risque à prendre, il fallait le caler aussi pour ne mettre personne en danger, ni nos sources, c'est-à-dire la population locale, ni a fortiori les journalistes guatémaltèques que nous étions venus soutenir. L'aide de ces journalistes mayas qui manifestent un courage incroyable, leur aide a été extrêmement précieuse pour convaincre la population de nous faire confiance, de nous parler. On n'enquête pas au Guatemala, évidemment, comme on enquête en Europe. Et pour en attester, il y a des rencontres, hein, des témoignages inoubliables dans ce genre d'enquête. D'abord, évidemment, la rencontre, c'est celle de Carlos Choc, le journaliste de Prensa Comunitaria, le média des Mayas de Lankakchi, qui est en première ligne face à la compagnie minière. Donc c'est lui qui a le premier documenté la pollution et surtout qui a été le témoin en 2017 d'une manifestation qui a marqué un tournant dans les relations entre la population et la mine, puisqu'un pêcheur qui entendait demander des comptes aux autorités sur la pollution du lac qui l'empêchait de vendre ses poissons, donc de vivre, a été tué par balles par la police. Et Carlos Schuch, ce journaliste, a pris une photo qui le prouve. Il y a aussi d'autres témoignages qui ont été extrêmement forts, comme celui de la femme du pêcheur tuée par la police, justement, lors de cette manifestation du 27 mai 2017. Et cette scène, je ne pourrais pas l'oublier. Nous étions avec l'équipe de Forbidden Stories et nous sommes allés visiter cette femme et son fils orphelin de père qui nous scrutait depuis un mur où il s'était réfugié, caché derrière des feuillages. Cette famille vivait dans un dénuement extrême, dans une case en tôle, entourée de poules. Et soudain, la femme est allée chercher la seule photo qu'elle avait de son mari et l'a présentée à la caméra. Et là, devant nous, tout à coup, cette veuve, dans ce cadre de dénuement total, tenant la photo de son mari mort pour avoir dénoncé les agissements d'une mine, c'était comme un condensé de toute l'histoire que nous allions raconter. Le deux poids deux mesures entre une multinationale toute puissante et puis une population démunie, désemparée. Il n'y avait aucune information sur ces personnes. Aucune étude concernant leurs problèmes de santé. Ils avaient peur de parler. Peut-être avaient-ils de bonnes raisons de ne pas vouloir parler. Vous avez déjà reçu des menaces? De la part du maire? Oui. Et de l'entreprise? L'entreprise ne communique pas beaucoup avec nous. Mais des menaces directes, j'en ai reçues par le passé. On me disait que je parlais trop. À El Estor, il y a une loi du silence. Le silence règne partout. Pour trouver du travail, les habitants n'ont que deux solutions. Soit ils travaillent pour la mine, soit pour le gouvernement. Donc ils se disent que le meilleur moyen de survivre est de se taire. Je m'appelle Albert Sandoval. Je suis le frère de Juni Sandoval, qui est mort dans l'explosion de la cuve de l'entreprise CGN Pronico. Mon frère était professeur des écoles, mais il travaillait à la mine. Il a travaillé de nombreuses années là-bas. Il y a laissé la vie. Après 15 années passées dans l'entreprise, Il y a eu énormément d'accidents. Mais on achète le silence des victimes. Beaucoup de personnes ont perdu des doigts ou une main dans la mine. Et après, rien. Il leur donne du fric et ils se taisent. Un extrait de Green Blood, le prochain documentaire d'Histoire vivante à découvrir dimanche soir sur RTS2. Histoire vivante, cette semaine, réseau Forbidden Stories, suite de l'entretien avec Anne Michel, journaliste au Monde. Comment Anne Michel parvenir à préserver un anonymat dans un territoire comme celui du Guatemala, sachant qu'il s'agit à un moment d'enquêter sur un endroit assez précis, où on peut l'imaginer, en tout cas à distance, tout se sait assez rapidement, les bruits se propagent. A-t-il été difficile de maintenir cet anonymat et celui-ci a-t-il été par moments percé par la police ? Oui, en fait, les notions de confidentialité, de sécurité aussi, puisqu'elles sont liées, sont fondamentales dans ce genre d'enquête et se préparent très en amont. Forbidden Stories est aguerri et à ce genre d'enquête et sait comment procéder. Et puis, nous avons eu les conseils donc des journalistes mayas qui, eux, tous les jours font face à des risques immenses pour pouvoir continuer à travailler quand ils le peuvent, puisqu'aujourd'hui ils sont entravés. Souvent, les rendez-vous devaient se dérouler la nuit de façon à ce que justement nous ne soyons pas vus et que les personnes que nous allions rencontrer ne puissent être dénoncées aux autorités, ce qui nous aurait empêché de conduire, de mener notre enquête à bien. Et je me souviens en particulier d'un rendez-vous qui a été capital pour notre enquête. C'est un rendez-vous que nous avons eu avec le prêtre Del Estor et qui nous a reçu un soir à la nuit tombé dans son presbytère pour nous faire une déclaration qui allait nous faire beaucoup avancer dans notre enquête, puisqu'il allait nous confirmer ce qu'avait montré la fameuse photo de Carlos Schott, le journaliste maya, ce pêcheur tué. Ce prêtre nous a reçus dans son presbytère. Le fait qu'il nous reçoive et qu'il nous parle a permis de faire beaucoup avancer l'enquête. Quand il s'agit, Anne-Michel, de recueillir des témoignages aussi sensibles, être à plusieurs constitue-t-il un avantage ou peut-être également un frein ou peut-être les deux, sachant qu'une certaine forme d'intimité est requise pour obtenir une parole la plus sensible, alors que le groupe de journalistes présents peut-être représenter une sorte de frein pour le témoin. Qu'en a-t-il été pour vous ? Cette intimité-là, en fait, nous l'avons construite quand nous sommes arrivés au Guatemala. Donc, nous avions constitué une petite équipe pour préserver justement la sécurité de l'enquête et pouvoir recueillir des témoignages sans affoler la population. Et je dois dire que nous avons réussi à le faire grâce aux journalistes mayas qui étaient présents. Et ce qui est important aussi, c'est que donc nous sommes des équipes en nombre réduit, mais nous sommes là pour offrir de la sécurité aux journalistes locaux. Nous avons beaucoup discuté avec eux du sens du réseau Forbidden Stories. Et l'idée étant de leur offrir une protection internationale, de faire sortir la vérité au-delà de leurs frontières, justement, de façon à ce qu'ils soient protégés. Et nous avons réussi à leur faire comprendre qu'en faisant bloc autour de ces journalistes censurés et en essayant de faire émerger la vérité, nous allions justement les protéger et faire en sorte que le risque et le danger auquel ils font face quotidiennement s'amenuisent. Anne-Michel, vous évoquez dans votre article écrit au mois de juin 2019, en tout cas publié au mois de juin 2019, une présence russe. Alors, quelle est-elle et quel rôle joue-t-elle ? Alors, cette présence russe, donc elle renvoie à la compagnie minière qui exploite ce nickel au Guatemala. cette société, cette compagnie minière dont nous parlons, c'est une compagnie extrêmement opaque, c'est-à-dire que sur le papier, elle est transparente, c'est une compagnie de droit suisse, mais en réalité, quand on va sur place au Guatemala, on se rend compte qu'elle est dirigée localement par des Russes et des Ukrainiens, et qu'il s'agit d'une compagnie qui possède aussi bon nombre d'implantations dans les paradis fiscaux, non pas tant pour bénéficier d'avantages fiscaux que pour garantir le secret de ses contrats. Et ces liens avec la Russie et l'Ukraine, les dirigeants de cette compagnie qui s'appelle Solway s'attachent à en dissimuler l'existence. Et le gouvernement guatémaltèque que nous avons rencontré entretient lui-même le flou sur ses liens avec la Russie. Le gouvernement, le ministre que nous avons rencontré, qui est responsable du contrôle des compagnies minières, nous a avoué qu'il ne connaissait pas les actionnaires finaux de cette compagnie. A-t-il voulu les protéger ou ne les connaît-il pas? Nous ne le savons pas. C'est une compagnie, je vous l'ai dit, de droit suisse, une multinationale transparente qui compte parmi les plus gros producteurs privés de mondiaux de nickel, qui a une adresse très chic à Zoug, dans un canton donc très riche, et qui met en avant son attachement aux droits de l'homme et à l'environnement. Mais la réalité est tout autre. Et Solway n'emploie en fait que 9 personnes en Suisse, et elle est très très liée à la Russie et à l'Ukraine. Elle est dirigée par une famille, les Bronstein. Elle a été créée en 2002 par le père, qui est un Estonien, né dans l'ex-URSS et qui a fait fortune en rachetant un portefeuille d'aluminium d'entreprises métallurgiques russes avant de se recentrer sur la production de nickel. Et au Guatemala, nous avons donc constaté que cette entreprise était dirigée par des Russes et des Ukrainiens et qu'il n'y avait aucune mention n'était faite dans les communiqués officiels. Quelles que soient les latitudes, il semble qu'il y ait des comédiens qui aient le choix, qui aient le goût de la politique, puisque certains sont devenus présidents. C'est le cas au Guatemala d'un certain président Morales qui désormais se fait prénommer Jimmy, un ancien comique des telenovelas et qui semble peut-être donner le la de cette scène proprement surréaliste que l'on découvrira dimanche soir sur RTS2 dans le documentaire Green Blood, un documentaire, je le rappelle, en 4 volets. Je veux parler de votre visite à l'usine, de votre visite à la mine, car vous rencontrez là-bas plusieurs personnages qui tous s'y entendent pour vous raconter, disons, une forme de vérité, de post-vérité. Alors, est-ce que vous pourriez un petit peu nous donner l'atmosphère de cette visite? Et je me suis évidemment posé la question, mais quels motifs ont-ils bien pu donner pour avoir simplement l'autorisation et l'accès à cette mine? Et sachant plus ou moins par avance, je l'imagine tout au moins, qu'on allait vous raconter quelques cracks, quelques bobards, quel était l'intérêt de pouvoir filmer ces bobards? C'était justement de les recueillir, Anne-Michel? Oui, alors l'intérêt, c'était d'abord de rencontrer localement la compagnie minière pour écouter ce qu'elle avait à nous dire sur la façon dont elle exploite et transforme le nickel localement. Donc ça fait partie de notre travail, hein, de rencontrer les officiels localement, et nous les avons confrontés justement aux contradictions qui sont très rapidement apparues sur l'actionnariat, qui est un actionnariat extrêmement opaque, sur l'identité suisse de la compagnie, alors même qu'elle semble sur le terrain dirigée par des Russes et des Ukrainiens, et puis sur ses engagements en termes de préservation de l'environnement, puisque jouxtant une usine de transformation du nickel fumante qui pollue l'environnement et dont les filtres d'ailleurs anti-pollution sont retirés certaines nuits pour recracher une fumée extrêmement nocive pour l'environnement et les habitants. Nous sommes allés rencontrer ces dirigeants et nous avons pu faire une visite qui était effectivement surréaliste. Ils nous ont montré donc une réserve qui est censée illustrer, incarner leurs principes en matière de protection de l'environnement. Et donc nous avons fait cette visite incroyable, très encadrée, hein, par des responsables locaux. Nous avons écouté leurs discours extrêmement bien construits et illustrant tous ces principes en fait de responsabilité environnementale et envers les populations locales aussi. Et puis, quand est venu le temps de la confrontation avec nos questions, qui étaient extrêmement précises sur la pollution que nous avons pu mesurer nous-mêmes localement, sur la violation des droits de l'homme. J'ai une dernière question. La dernière alors. Pourquoi vous n'avez pas réagi quand les travailleurs vous ont alerté ? Le ton des dirigeants qui nous ont reçus a changé et nous avons été rapidement conviés à quitter l'usine, voire, on peut le dire, carrément mis à la porte à la fin de l'entretien. Encore une fois, tu te bases sur des faits que nous ne connaissons pas. CGN Pronico n'a rien à répondre sur ce point. C'est une question technique qui fait l'objet d'une enquête. Merci beaucoup. On s'arrête là. Anne-Michel, compte tenu du rapport de force que l'on imagine et que vous nous indiquez là, est-ce qu'à votre connaissance et depuis votre passage, le dossier a un tant soit peu, quelque peu évolué ? Oui, alors la mine, il y a deux choses que je peux vous dire sur ce sujet, c'est que la mine aujourd'hui a cessé son activité. Il y a des démarches qui ont été menées par la population, soutenues par des syndicats pour obtenir que la justice s'exprime sur la façon dont la mine opère en contravention avec des traités nationaux qu'a signé le Guatemala. Et par ailleurs, Carlos Schoch lui-même a vu son dossier judiciaire suspendu par le juge. Il ne sait pas ce qu'il en adviendra, s'il s'agit d'un répit, d'un sursis, ou si au contraire la justice attend de ne plus être dans le viseur de la communauté internationale grâce à notre enquête pour relancer de plus belle la procédure judiciaire à son encontre, en aggravant au contraire les chefs qui pèsent sur lui et qui sont totalement fabriqués. Il faut savoir que le juge qui enquête, qui a la responsabilité de l'enquête sur Carlos Schoch, le journaliste Maya, ce juge traîne une lourde réputation. Il a fait l'objet de 46 enquêtes internes sans jamais être démis de ses fonctions. Et il a même libéré en 2017, deux Mexicains qui étaient soupçonnés de trafic de drogue et qui venaient d'être arrêtés dans un hydravion bourré d'armes et de dollars. Donc on le voit, cette enquête est importante parce qu'elle révèle des faits et qu'elle en prouve et qu'elle les révèle de la manière la plus incontestable possible. Mais il faut effectivement maintenir l'attention internationale sur un sujet que le Guatemala n'est pas prêt du tout à régler, puisque cette mine représente beaucoup d'argent pour le Guatemala et donc les intérêts économiques priment sur l'intérêt des populations. Rendez-vous dimanche soir pour découvrir Green Blood, une série documentaire d'Arthur Bouvard et Jules Giroda. Merci beaucoup, Anne-Michel, d'être venue au micro d'Histoire Vivante. Et bonne continuation et bonnes enquêtes. Merci à vous. Cette semaine consacrée au réseau Forbidden Stories et à l'enquête Green Blood était réalisée par Thierry Châtel. La semaine prochaine, changement de décor, changement de sujet, nous nous intéresserons à Hollywood.